partie s'enregistre. 18h. Alors, on attend que ça vienne dans le flux. Est-ce qu'il y a... Pardon ? Le lien ? De quoi ? C'est pi-node.org. Mais je crois pas que t'aies le chat sur sur mobile, si ? Sur téléphone, sur smartphone. Yes, bonjour à tous, les entretiens de Grenoble. Ça commence. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière car il y a Thibaut à côté de moi qui était déjà venu pour, je crois, le premier entretien de Grenoble en fait. Enfin, le premier renouveau, il me semble, juste après le confinement. C'était presque la première fois que tu voyais quelqu'un en vrai quand tu étais venu. Tout à fait, Nico. Voilà. Tu étais parmi mes premiers êtres humains. Voilà. Et donc là, on avait essayé de faire une émission New Array, mais on y est... Enfin bon, si, c'était une émission New Array, mais on était tous les deux. Là, j'ai essayé de faire un mouvement de groupe qui n'a pas très bien marché. Mais malgré tout, je sais comment faire des appels à distance. Donc si Binary Digit, peut-être qu'on va essayer de le contacter pendant l'heure et demie d'émission qu'on a pour voir s'il peut discuter avec nous. En duplex. En duplex, exactement. Et on va parler, New Array, bon, c'est un peu notre association assez lâche, je dirais, mais malgré tout existante, qui réunit plusieurs personnes, dont toi Thibaut, alias Netflanger, Bastien Vialet. C'est exactement Vialet, le... Vialet, c'est un vrai dauphinois. Oui, alias 90s Entities. Absolument. Binary Digit et notre ami Jean Toussaint. Voilà, Jean Toussaint, c'est quoi son pseudo de... C'est DJ Jeanne d'Arc, voilà, sur les ça. Internets et au Dracart. Yes, et ailleurs. Voilà, c'est le noyau dur de l'affaire. On va passer des morceaux, on est tous un peu musiciens ou liés à la musique, on va passer des morceaux de nous. De vous, moi je ne vais pas en mettre, mais plutôt des morceaux de 90s Entities, des exclus, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut signaler que c'est le jour de la sortie de la Summer Tape de Binary Digit. Le volume 3. Le volume 3, hein. Il y a eu le volume 1 et 2, dont certains titres ont été utilisés dans le disque Summer Hits 38,000, sorti sur Stochastic Releases, voilà, donc on fait des tout petits cercles entre nous. Ouais. Voilà, et là c'est la Summer Tape 3. Merci à tous. On va commencer par un morceau de musique de 90s Entities. Ça te va ? Vas-y. Cloud Flight. Une exclue sur les entretiens de Grenoble avec New Array. Bonne écoute à tous. Je l'avais depuis le début et c'est pas purifié, je comprends rien. Ouais, mais on est en train de streamer là, Ben. Ah tiens, désolé, j'ai raté ton appel. Bon, c'est pas grave. On attend que le morceau se finisse et on te rappelle. Ou alors tu dis rien. Non, je dis rien. Et ben, bah, ça marche. Tu entends tout? Ouais. Ouais, je vais mettre les écouteurs par contre, comme ça fera pas de bruit parasite. Yes. Excellent. Okay. Ouais. C'est bon, calmos. Ouais, Ben, tu nous entends? Ou pas? Pas vraiment? Bon. Attends, il va revenir. Ouais, ok. Là, il faut meubler ton direct, Nico. Bah, je vais mettre un autre morceau, tiens. Tu prends le risque de mettre un autre morceau? Il va nous rappeler pendant le morceau. Ah ouais, bah alors... Le mieux, c'est de l'attendre. On peut l'attendre avec... Ah, il est là. Ça va? Ça va très bien. Ok. Et vous? Ouais, bien, ouais. Ravi de t'entendre. Pardonnez mon léger retard. Ouais, non, ça va, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu faisais? Alors, c'est bon, j'ai mis mes écouteurs, tout va bien. Ok. Est-ce que j'ai pas entendu ta question? Ma question, c'était, est-ce que tu peux un peu donner des détails sur la raison de ton retard? Oui, je peux en donner. J'ai mal planifié. Je me suis mal organisé sur mon après-midi. D'accord. Ok. Et voilà. Donc ça, voilà. J'ai pas pu tenir mes objectifs. Ok. Mais, et certains de mes engagements. Voilà. Et ton activité qui a précédé cette émission, quelle était-elle, si c'est pas indiscret ou... J'étais en plein air. Hein, je devais faire quelques trucs dehors et puis j'en ai profité pour faire un petit peu de skateboard pour ah, c'est ce que j'avais proposé à notre ami voilà. Thibaut comme possibilité. Mais n'est-ce pas? C'est bien ça. Donc Ben, donc aujourd'hui c'est quand même un jour assez important pour c'est... toi et pour nous. Surtout pour toi, mais pour nous aussi, pour toi. C'est la sortie de ton nouvel album. Et c'est la sortie de la Summer Tape. De la Summer Tape 3. 3. Alors, c'est pas vraiment un album. Est-ce que tu considères ça un album? C'est quand même un album. Ça, le format d'un album, mais moi, je considère plus ça un peu comme une sorte de compilation, si tu veux. Voilà. Est-ce que, comme tu as un passé avec le hip-hop, tout ça, ça serait pas un moyen de te reconnecter avec l'exercice de la mixtape, tu vois, en tant que DJ? Un petit peu. Question ouais, des Arocs, un petit peu un côté, c'est un peu une mixtape d'été, quoi, tu vois. Ça pourrait être une sorte de... Si j'étais un mec du Peura, tu vois, j'aurais fait une beat tape, par exemple, ou un truc comme ça, tu vois. Ça se rapproche plus de ce format-là, j'ai l'impression. Mais les morceaux ne sont pas mixés entre eux. Et les morceaux ne sont pas mixés. Ils sont individuellement établis. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux que... Mais alors, ça veut dire que c'est quand même... tu dis que c'est une compilation, mais c'est quand même ce qui se rapproche le plus d'un album. Quand même, par rapport par exemple aux autres EP qui sont sortis sur divers labels. Enfin, il y a quand même une cohérence, une plus grande cohérence dans cette compilation que sur d'autres EP. Malgré tout. Mais c'est pour ça que ça me paraît un peu. C'est peut-être pas. Une compilation, c'est peut-être pas juste, mais ça me paraît un peu compilé parce que, si tu veux, c'est un peu ce truc de. C'est produit vraiment dans un espace-temps particulier et avec des moyens particuliers, tout ça. Et puis, c'est un peu une compilation de ce qui ressort de ce moment-là. Mais tu pourrais très bien dire que tu as fait un album comme ça. Mais il y a un peu l'idée d'entasser du matériel et de compiler des trucs. Dans un temps donné, à un endroit donné, avec du matériel particulier qui me donne un petit peu cette impression de compilation, si tu veux. Est-ce qu'il y a des morceaux que tu as mis de côté, par exemple ? Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc ouais. C'est vraiment une compilation, vraiment. Vraiment, quoi. Ouais. Malgré tout. Alors, j'ai écouté un morceau tout à l'heure là, sur YouTube de la tape. Et donc c'était un morceau qui était sans beat. Je trouvais assez étonnant de ta part. Est-ce que ça serait pas comment tu te positionnes par rapport au fait d'être un mec qui fait de l'électro et qui sort des morceaux sans beat? Bah il y en a toujours eu un petit peu. Si tu prends les deux premières Summer Tape, il y avait des morceaux sans rythmique. Ouais. Aussi et c'est un truc que je fais un peu plus dans ce genre de projet. Par exemple, dans la Summer Tape. Et puis, déjà d'une, parce que, en fait, je travaille avec. Je suis limité à 6 pistes. Et que, du coup, ben, des fois, t'as pas la place de mettre une rythmique et c'est sympa. Ouais. Et l'autre raison à ça aussi, c'est que souvent, quand je fais écouter la musique que je fais à mon papa, il me dit, mais il y en a marre de tous ces boom-boom. Et parfois, quand je lui fais écouter un truc sans rythmique, et ben, ça lui plaît vachement plus. Donc, je pense qu'au fond, c'est un peu pour plaire à mon papa. Oh là là là là. Comme ça, il loge pas la tête en se moquant de toi. Non, comme voilà, c'est comme ça. Ça me prend un peu plus au sérieux quand il n'y a pas un truc. Voilà. En tout cas, je l'écoutais avec Bastien, on a été submergés par des vagues d'émotions. Faudra qu'on s'écoute ce morceau d'ailleurs. Ouais, on peut l'écouter là. Je ne sais plus comment il s'appelle. D'accord. B1 peut-être. Je pense que c'est la B1. C'est la B1. Alors, ok, donc je peux pas. En fait, je peux pas. Je suis sur full bar, je peux pas régler le volume. C'est pour ça qu'il faut pas parler pendant le morceau parce qu'après ça sature. Voilà. Donc je resterai muet. Ok, alors on écoute Summer Tape volume 3, Binary d'Egypte B1, le morceau célèbre. Thank you. Donc comme je disais, j'ai pas de fade out sur Fubar, donc je suis obligé de faire ça machin, sachant que voilà, paf, et ensuite Ben, t'es toujours avec nous? Ouais, non. Je suis toujours là. Ah, t'es toujours là. Mon micro comme un pro. Ah, c'est bien, ouais. Bravo. Très très très très pro. Merci. Corporate même. Là, j'ai mis un morceau de Karsten Obarski. Voilà. C'est alors, c'est un, j'ai plein d'Allemands qui a fait un logiciel de composition musicale sur Amiga il y a assez longtemps. Ok. Ça c'est un morceau Amiga du coup. Et je crois que oui, ouais. Oui, oui. Ok. Je pense, j'ai aucune info sur rien. J'ai juste le nom de Karsten Obarski et piste. Piste, le numéro de la piste. Donc c'est la piste 12. Voilà pour info. Okay. Voilà, il y a d'autres morceaux très très bien. Je crois qu'il y avait un lien avec le morceau, avec ton morceau, mais bon, c'était un peu pop, lâche, un peu pop. Ouais, tu viens de traiter émotionnel de lâche pop. Là comme ça. Non, bien sûr que non. Ah. Le lien était lâche. Ah, d'accord. Comme New Array est une association un peu lâche. Une asso de lâche même. Ouais, de lâche même. De lâche. Ouais. C'est on dit bonjour à Cthulhu qui nous a rejoint. Salut Cthulhu. Ah, comment... salut Cthulhu. Ouais, il est là sur le chat. Salut, ça va? Ouais, personne ouais. Qui parle, tout le monde baisse les yeux sur le chat. Eh ouais, ça c'est sûr. Et Ben, qu'est-ce que... Il y a Lily qui est là aussi. Salut Lily. Un petit... Salut Lily. Voilà, elle est là. Et il y a Boubou qui doit nous rejoindre, mais je crois qu'il prend du retard. Bon, bref. Ah. Est-ce que Ben, on remettrait pas un morceau de ta Summer Tape, si ça te fait plaisir? Et si oui, lequel? Eh bien, si vous voulez, on peut en mettre un court, parce qu'il y a aussi des morceaux courts dans cette Summer Tape. Ouais. Alors, par exemple, du coup, je vous propose de soit mettre le B5. Le B5, Stick With Me, ouais. Voilà, soit le A5, voilà, c'est à vous de... Ou le A5. À vous de décider. Alors, 2.19 ou 3.21. Bon, on va mettre 2.19, c'est bien. Comme Stick With Me, allez. Comme ça tu pourras nous donner quelques éclaircissements sur ce... Très bien. Sur ce titre, hein, c'est le seul morceau avec un titre, donc en fait, un sous-titre. Un sous-titre un peu, ouais. Ok, allez, on lance ça, à toute suite. Vraiment. B5, Stick With Me. Alors, à qui parles-tu, Ben? Ben, tu nous écoutes? Ben ouais, je suis là. Et on pourrait trouver plusieurs raisons. Ça pourrait être à propos de l'été, comme toujours. Ouais. Hein, l'été qui colle, parce que là, on sue beaucoup. suit beaucoup Stick, ou tu pourrais le voir comme ouais voilà par exemple, ou Reste avec moi. Reste avec moi été. On pourrait, je pourrais donner des raisons aussi tristes et personnelles, mais que je vais garder pour moi. Tu vas taire, bien sûr. Voilà, que je vais taire. Taisons-les. J'avais des questions qui m'échappent totalement. Si ouais, combien si tu ça sort en cassette, combien t'en as fait si c'est pas trop indiscret hein, parce que bon. Pour l'instant, il y a une série très limitée et très homemade de 20 cassettes. Ok, ouais. Alors, j'ai vu sur Bandcamp que tout était sold out. Est-ce que tu as gonflé toi-même les chiffres ou est-ce que tout est parti? Non, alors dégonflé, en fait, sur le Bandcamp, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages ce matin par rapport à ça. En fait, j'essaye de la vendre en priorité de main à main à Grenoble en premier. Si. Donc j'essaye de distribuer un peu mon stock comme ça et ensuite je mettrai un petit peu ce qui reste sur Bandcamp, voire faire une deuxième fournée quand je retrouverai un petit stock de cassettes sympa. Et puis, mais pour l'instant, je privilégie le main à main sur le terrain grenoblois. Main à la main, en espagnol, comment on dit mano ça à mano. Mano à mano. C'est un site d'entraide d'ailleurs. Et d'homme à homme. Une sorte de... C'est pareil, non? Ah non. Non, c'est hombre à hombre. Hombre à hombre. Hombre à hombre. Je suis nul en espagnol, hein, personnellement. Un peu raciste. Moi aussi. Et un peu raciste, effectivement, c'est vrai. Yes. Qu'est-ce qu'on peut. Moi, j'avais un petit morceau de. On peut mettre un dernier morceau, si tu veux. Attends, Ben, tu restes avec nous. Ah oui, non. J'ai une remarque à faire à Ben. Attends, ouais. Est-ce que tu restes avec nous toute l'heure, Ben? Moi, je suis là. Hein. T'es là. Ok. Donc, on n'est pas obligé de. On peut en passer après. Est-ce que tu as apprécié le fait que. Attends, après, je te. Qu'on s'est mis dans la position de l'intervieweur. L'intervieweur. Oui. Voilà. Je trouve ça assez sympa. C'est assez rigolo, c'est marrant. Ouais. Et je pense que ça n'aurait pas été possible si tu avais été ici avec nous. Je pense aussi. J'étais assez enthousiaste à l'idée de ce. Voilà. De cet appel. Distancié. Voilà, cette présence distancielle. Mm-hmm. Il faut quand même dire que tu habites à 50 mètres d'ici. Ouais, une centaine de mètres. Une centaine de mètres, ouais, en comptant les. Bon, voilà, excuse-moi Thibaut, vas-y. Et, du coup, moi j'avais une remarque à te faire. J'ai l'impression, plus j'écoute tes morceaux là récents, plus t'es en train de basculer, plus tu deviens pop. Mais tu sais, c'est pas une insulte, hein, c'est dans le pop dans le bon sens du terme. Est-ce que c'est un virage conscient de ta part? Accessible, tu veux dire? Que le Covid, tu vois, nous est un peu éloigné de épopée, de l'environnement, de la dance music, comme on dit. Je pense que c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. C'est aussi la summer tape, tu vois. Si tu prends, si t'écoutes un peu les volumes 1 et 2, bah t'as des morceaux qui sont un peu plus pop, si on peut appeler ça de la pop. Je pense que ça tient quand même au projet un petit peu ce côté. Ce côté un peu plus pop. Ouais. Émotionnel, émotion, le quoi, l'émotion, c'est l'émotion la pop dans ta bouche. L'émotion, il y a un côté très émotionnel, tu vois, accessible. C'est des morceaux qui sont pas construits comme des tracks de techno, tu vois, ça colle pas trop. Il y a un espèce de cycle qui revient, tu sais, c'est pas couplé refrain, mais pas loin. Il y a un truc, c'est très écoutable, tu vois. La summer tape, tu peux l'offrir aux darons et tout, elle passe bien. Elle est pour la voiture, pour les darons, elle est safe en fait. Elle est universelle. C'est un disque safe. Et c'est la Summer Safe Tape. C'est la bande de sûreté. Safe Tape. Bref, voilà. Et ben, en parlant de safe, on va mettre un petit morceau de Nathan Davis, Nate, qui a aussi sorti un album il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Peak, disponible sur Bandcamp. C'est des petites plages de guitare. Avec une très belle pochette digitale. Et là, donc c'est le morceau Tabor, voilà, que tout le monde connaît là-bas, dans le sud, dans le Matézin. Thank you. Tac, paf, fade out, grossier, voilà. Donc Nate, un morceau, ben c'est Nate, c'est Unchained, pardon, c'est ça son nom de scène. Voilà, donc très aéré, très aérien. Éthéré, toujours très beau. Éthéré, toujours très beau, ouais. Ça fait, bon, moi ça m'évoque des trucs très, enfin tortoise, des trucs très un peu post-jazz, post-rock, voilà, bon bref. Voilà, c'est super. Il y a Quentin qui nous a rejoint. Salut. Ah, salut Quentin. Voilà. Salut voilà. Quentin. Il est venu en spec. Désolé pour le retard. Désolé, ouais, il s'excuse pour le retard. Ouais, en je sais pas. Spectateur. Et pas en simp. Ouais. Le mot je connais plus cette abréviation. Ben, moi non plus. Pardon. Toujours très bien accueilli chez toi, ouais, Nico. Hein. C'est vrai que ayant arrêté l'alcool, il a eu droit à un Orangina avec des glaçons. Ah. C'est la bourre. Lily est toujours là aussi. Oran. Oui, je suis là. Vous voulez aller voir Tenet, mais je crois que oui, tu vas y aller. Je ne sais pas. Toi, Ben, t'es allé voir Tenet ? Je ne suis pas du tout allé voir Tenet. Ok. Très bien. Il n'y a que Quentin qui est allé voir Tenet. Voilà. Un très bon film, il dit, avec un petit rire. Et si on mettait un morceau de musique, parce que les entretiens de Grenoble, c'est des entretiens, mais c'est aussi de la musique. Faut c'est pas oublier. C'est aussi Grenoble aussi. C'est aussi Grenoble, mais bon, ça bah, c'est. Viens, on c'est... met un morceau de Grenoble alors. On met un morceau de Grenoble, fait à Grenoble. C'est bien le Radio Jam 3, il est bien. Radio Jam 3, Ned Flanger. Donc, vas-y, dis, t'as enregistré ça de quelle heure à quelle heure ? J'ai enregistré ça environ sur le coup de 13h30 ce matin, enfin aujourd'hui quoi. Ce matin, 13h30 ? Ce matin, 13h30. Hein. Mm-hmm. Je suis encore au chômage. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est des morceaux de... À quelle heure commence l'après-midi, alors, pour toi ? 16h. Ok. Après manger. Ok. Et ça, ouais, c'est des tracks d'électro, jour, un peu... ouais. Un peu, moi, je dirais, c'est de la musique de gimmick. Et bon, je pense que je me comprends et que je vais certainement pas être le seul à me comprendre. Ok. On écoute ça. Donc c'est un jam, hein. il faut le préciser. Peut-être c'est, un, pour, en fait, c'est un morceau pas mixé que j'ai enregistré en une prise. Du coup, peut-être que c'est un jam, on sait pas. En tout cas, ça s'appelle comme tel. Pinode Radio Jam 3. Eh ben, on écoute ça. Hop. Et eh bien, bon, beau, finalement. Ouais, ça, c'est... j'y passe souvent un peu plus de temps quand même. Ouais, bah. Tu vois, écoute, histoire tu vois, d'essayer de mettre ça en. Il faut que tu essaies de passer en encore moins de temps. Pour que bah, franchement, j'aimerais encore. Bien hein, faire des trucs mieux, plus tu vite. Prends, tu fais des prises à un plus fort BPM, un plus haut BPM, comme ça tu passes moins de temps et ensuite tu ralentis. Non, mais excuse-moi, Tenet. C'est une blague, c'est un Tenet. Tenet. Bon, c'est un bon morceau. Voilà, paradigmatique, non, gimmick, t'as dit. Gimmick, ouais, gimmick, tu vois, ouais. Parce qu'il a, le, il a ses respirations là, caractéristiques, tu vois, des électro fin des 80. Bien sûr, ouais. Des trucs qui font blip blip, tu vois. Ouais, ouais. Un synthé qui joue quelques notes de temps en temps, tu vois, ouais. C'est très. 80, moi j'aurais plus dit même 90, fin 90, ça me faisait penser à un peu des trucs The Advent, période Time Trap Technique, tu vois, un peu ce genre de trucs. De morceaux électro un peu. Je vois pas ce track en particulier, mais je vois The Advent et peut-être un peu. Y a un peu club quoi finalement. J'ai écouté pas mal de The Hacker et de Miss Kittin aussi en vrai ces derniers temps, du coup, tu vois, c'est peut-être. Mm-hmm. Là que ça vient, du Doppler Effect, enfin tous ces trucs là quoi. Ouais, d'accord. C'est un condensé. Ok, très bien. Et un condensé de tout quoi. Qu'est-ce que. une compote. Pardon. Est-ce qu'on se mettrait pas un autre 90s Entities ou alors ouais par exemple ouais. Un 90s Entities allez. Ouais allez. Ah ouais pourquoi pas. Entities. Cycle c'est ça. Quoi. Et on fait pas des messes basses pendant l'émission. Non, il faisait un jeu de mots à la con. Ah. Sur mais tu sais quoi mais en fait bah, tu vas le faire à l'antenne ton jeu de mots à la con. Eh bien, non, c'est pas un jeu de mots. Je demandais si 90s Entities et 90s End Titties, ça se prononçait pareil. Ok. Merci. Merci beaucoup. Un anglophone dans le chat pour nous éclairer. Nate, peut-être. Cthulhu. Christopher Nolan. Cthulhu. Peut-être. Ouais. Alors, on faisait pas les marioles. Ok. paf, coupure. Ah, bizarre, bizarre cette coupure intempestive. Ouais, ça... ouais, ouais, c'est un rec, quoi. Bon, bref, super morceau de 90s Entities. Pourquoi tu rigoles? Qu'on salue au passage. Salut, je commence, je commence à regretter de t'avoir fait venir, Quentin. Non, mais surtout, oui, mais non, ta blague elle tient pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? 90s des ouais, mais 90s. Des années 90 et des bzz. Et des, ouais, ça ouais, n'a aucun bon, ok. Sens. C'est absurde. Ça qui t'arrive. T'es obsédé surtout. T'as un OS. Il a dit désolé, Baba, prends pas la mort. Bon, bref, c'est bien, ça fait un peu Twitch l'ambiance. Bon, je suis un peu. Alors, peu, ouais. Commande RMC ou Twitch, tu vois. Ouais, ouais, ça. Très RMC, Europe 2, bien, Europe 1. On est là. Hein. Europe 1, vous avez vu, non, Europe 1, c'est un mec de Valeur Actuelle qui prend la direction. C'est Fox News un peu maintenant. Ouais, voilà. Fox News à la française. Renard. Allez, je mets un morceau de. Ben, t'as un truc à dire? Non, pardon. J'ai plus rien à dire. Non. Plus... Dis-nous des trucs cool, ouais. Un peu, Ben. On va te poser les questions tout à l'heure. Bah, je préfère, ouais. Ouais. Que quoi? Que un artiste quoi. Célèbre. Ça tu préfères qu'on te pose des questions plutôt qu'on t'en pose pas? Tu veux pas nous poser des questions à nous aussi? Si. Je vous poserai des questions plus tard, mais je suis en train de noter là quelques questions intéressantes. Ah ouais. Mm-hmm. Ouais, tu fais des recherches sur YouTube. Le background. Bon, allez, je mets un petit morceau de DJ Overdose. Vous aimez bien DJ Overdose? J'aime bien, mais il est pas de Grenoble, il est pas de Nuaré, du coup... Ouais, mais justement, moi je suis l'ouverture, vous êtes la fermeture, moi je suis l'ouverture. J'ai toujours trouvé très cool DJ Overdose. Non, ouais, c'est parce cool. Qu'il a une casquette, quoi. Enfin, et bon, parce que c'est DJ. Non, c'est cool. Eh ben, c'est cool. Palala. Ok. Yo. Ben, toujours là, ouais. Toujours là. Ouais, alors moi j'aime bien ces trucs de basse là à la fin, ça me fait penser à un morceau que j'adore de Straff, Set It Off. Bon, je sais pas si c'est un vieux morceau. Set It Off. Alors un petit jeu de mots sur Set It Off. C'est bon, merci. Ok. Oh, c'était sympa, un morceau d'électro en bonne et due forme. Ah, ouais, là, chaud, ouais, hein. Carrément. Carrément. Alors c'est sur c'est quel release? C'est un morceau que je connaissais pas moi. C'est la release sur Lies Records. Ah. Émulateur Armor, un truc comme ça. Ouais voilà c'est ça ouais c'est ça ouais. Okay. Mm-hmm. Très bien. Bah, voilà qui est en. J'irai l'écouter. Ouais ouais bah ouais. Bah il y a que des c'est, ça se tient hein, bien sûr comme toujours. Ah, salutations ouais. À Ron Morelli. Yes, Ronnie. Ouais, on a donc... attends, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui, donc il nous reste 34 minutes. Rome Morandini, pas mal. Du rhum arrangé, tu veux? Non, Rome Morandini. Ah, Rome Morandini. Le patron de Lies Record. Sur ses 8. Ok. Ben, on va te poser quelques questions. D'accord. Parce qu'on en a pas assez posé. Surtout Thibaut. Je sais pas pourquoi il faut que j'ai les morceaux devant mon truc, mais je trouve. Il faut que, mais moi j'ai voilà. Posé tout mon panel de questions là. Ah, t'as plus de questions. T'as épuisé complètement mes ressources journalistiques. Ah ouais. Je te propose qu'on passe à un autre morceau directement et puis qu'on en parle après peut-être. Bon, bon, d'accord. Bon, bah désolé Ben. Mais Ben, tu pourras. On te posera des questions sur le morceau, s'il est de toi ou s'il est pas de toi d'ailleurs. Et puis tu pourras nous donner des impressions à chaud peut-être. Peut-être que toi Ben, tu voudrais te poser des questions à toi-même. Et si toi, ouais, voilà. C'est possible. C'est possible aussi, ouais, ouais, c'est possible. Tu peux les poser, tu peux nous les poser, les questions que tu te poses, par exemple. Ok. Ça, c'est possible, voilà. Okay. Plus tard, si t'as envie, quoi. Ouais, donc le Pinode Radio Jam 1, c'est ça qu'on va mettre. Absolument. Yes. T'es toujours là, Ben ? Ok. Merci, c'est les entretiens de Grenoble avec New Array. Bonjour, Grenoble. Bonjour, Grenoble. We'll be right back. Yes. C'est vrai que c'est un morceau différent de celui d'avant. Tu vois, c'est fait avec les mêmes samples. Enfin, à peu près. À peu près, les mêmes batchs et tout, plus de presque. Mais c'est, dis donc, c'est t'as bien gazé bien aujourd'hui, toi. Tu vois, tu comprends pas cette expression. Bien gazé. Non, je comprends pas. Ah, c'est, pardon. Tu peux expliquer. Est-ce t'as bien travaillé aujourd'hui, ouais, ouais, ouais, toi. J'ai charbonné, comme on dit. Charbonné, gazé, c'est un peu la même chose. Non, excuse. Oui, bon, ça va. On connaît pas, nous, gazé, c'est, tu sais. La bédavette, comme on dit. D'accord, je pensais qu'il y avait d'autres des considérations. 19, d'ailleurs. Pas de 19, la bédavette. Ah, pas de 19, la bédavette à mort, ouais. Ok. Bien. Bien. Tu as mis à profit le 808 Trick. Tout à fait, mais c'est même celui que tu m'as envoyé parce que mon câble CV était de la Terre 9 là, était pas assez long pour atteindre la table de mixage. J'avais pas envie de faire un setup en équilibre aujourd'hui, donc c'est un sample. Très bien. Le câble CV pour la table de mixage. Ouais, tu sais, tu trigues la sortie CV, tu la mets direct dans une sortie audio et ça te fait le petit bruit de trigger. Ok. Voilà quoi. Ah ouais. Mmh. Très bien. Bon, on a quelques questions des auditeurs, Ben. Ah, très bien. Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Ben, Benoît, Benjamin ou autre ? J'aime beaucoup quand on m'appelle Benjamin, parce que c'est pas mon vrai prénom. Benjamin Digital, c'est pas mal. Et si t'avais pu choisir un prénom, quel aurait été ton prénom ? Je pense que je me serais appelé Mickey. Mickey. Ok. Tu sais que tu je crois pas que tu le saches, mais Ben Benjamin, mais Benoît Benny, Thibaut porte un t-shirt The Sound of Belgium. Voilà. Ah. Ouais. Et donc on se demandait toi vis-à-vis de la Belgique et du son belge ou etc. Quel était un peu ton rapport, ton expérience, tu vois, en tant que une extériorité par rapport à une autre. Alors par rapport au son belge, tu veux dire un petit peu. Au son belge ou la Belgique de manière globale De manière globale, déjà il faut savoir que mon papa et les parents de mon papa sont belges. Ah. Moitié belge. Dis donc, on apprend des trucs là-haut. Donc déjà c'est un lien assez fort avec la Belgique. Ouais. Et ensuite j'ai eu une très bonne expérience à Liège. J'étais allé jouer là-bas il y a 2 ans, je crois. En Wallonie. En Wallonie. Tout à fait. Et j'avais passé un super moment. Les gens qui m'avaient accueilli là-bas, voilà, c'était un des meilleurs gigs de ma vie. Mmh. Voilà, mes expériences avec la Belgique. J'aime beaucoup la Belgique et les Belges en général. On transmet toutes nos amitiés à la Belgique d'ailleurs, alors. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a bientôt la course Liège-Bastogne-Liège qui va commencer. La Doyenne, apparemment, ça s'appelle. Une course de vélo. Bon. Grand cycliste. Grand cycliste. Ah ouais, y a quand même. Ah ouais, ouais. C'est sûr. C'est sûr. Pas le Tour de Belgique, nous demande Quentin, qui est presque un auditeur. Est-ce que c'est le Tour de Belgique ou pas du tout ? Il n'y a pas de Tour de Belgique. C'est très franco-centré, ça, comme question. Au petit, la Belgique, pour faire le tour. Ouais. Oh. Fais le tour de vélo Liège, en Belgique, tu vois, c'est petit. Hein. Parle bien de quand même. Hein. Paris-Roubaix, c'est un peu c'est un peu belge quand même comme parcours. Quoi. Roubaix est près de la frontière belge, tout à fait. Donc, tu vois. Bah, on pourrait faire intervenir Pat 19 à ce propos. Ah, Pat 19. Non, pas bourré, Roubaix. Bref, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question ? Non, après, il y avait des trucs nuls sur les commentaires sur Tape Brunch, mais je crois que t'as pas trop... Ouais, mais c'était pas... C'est un peu mais nul. Mais on fera une émission spéciale où tu répondras à tes commentaires. Pourquoi pas sur YouTube. Ouais, alors, bon, alors, attends, quand même. Toi, tu dis qu'il y a un commentaire il y a un mec qui dit que t'es wannabe. T'es une sorte de wannabe Aphex Twin de 14 ans. Et du coup, moi, j'ai trouvé ce commentaire qui était très, très drôle, tu vois. Parce qu'il y a effectivement des ressemblances avec Aphex Twin. Mais le mec a quand même jugé nécessaire de mettre cette histoire d'ado de 14 ans. Du coup, je voulais savoir si tu voulais lui répondre à ce type déjà, nous on t'offre l'antenne, ou ton ressenti par rapport à ça. Enfin, est-ce qu'on peut parler de ce commentaire ? Ton ressenti. Moi, je dirais qu'on est tous des wannabe Aphex Twin de 14 ans. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est de la réponse. Tiens, allez. Prends ça, mec d'internet. Prends ça dans ta gueule, c'est clair. Yes, ouais, je suis bien d'accord. Ouais, merci Quentin aussi, d'accord. Vous aussi, hein. Ouais, on est tous d'accord. C'est bien, on est alignés. J'aime le consensus. Voilà, consensus. Il n'y en a pas assez en ce moment. C'est vrai. Avec la droite, la gauche, tout ça. Qu'est-ce que moi j'ai aucun morceau à mettre en fait aujourd'hui Ah bon? que je n'ai jamais mis. Ouais, j'ai pas préparé de morceau. Si je peux mettre un morceau d'un prochain disque que je vais sortir. Bah voilà, on a dit que c'était que des exclus aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas Envoie une vraiment une exclue. exclue alors. Hein? Toi aussi t'aimes bien Tan? Non, non, pas Tan, d'une BO, que je BO d'un film que de Lily, voilà, que j'ai fait. Ah, Voilà, mais. film d'art et d'essai. Un essai de film d'art. Voilà, je peux mettre ça, mais sinon, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Allez, je peux mettre ça un petit peu. Voilà. En avant. Je l'ai déjà mis par ailleurs. C'est quoi? C'est un morceau de Macon? C'est un morceau de Macon, ouais. Allez, Macon! Bah, c'est pas la bonne version. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je remets la bonne version, hein, pardon. Voilà, qui sonne un peu plus. Yes. On va dire au revoir à Quentin qui nous quitte. À bientôt. Merci d'être passé. Au revoir, Boudou. À bientôt, Quentin. Ouais, tu claques la porte, ouais. Mais voilà. Pas trop fort, pense à la copro. Hein, Ouais, bien sûr. Par contre. Bien entendu. Yes. Merci, merci. Ouais, Ben, on va repasser quelques morceaux parce que il commence à se faire tard là. L'émission va se finir. Et moi, je voulais passer un morceau que t'as envoyé, Peters. Peters FM. Ouais, voilà, Peters 4020, Peters FM, Louder en plus. Donc voilà. Tu peux nous en parler un peu, vite fait. Je peux vous en parler, ouais. C'est un morceau qui devrait se retrouver sur un split avec les amis belges dont je parlais tout à l'heure, qui font des trucs super. Et donc j'avais un peu ce projet là de sortir un disque un petit peu sur ma propre structure, on peut dire presque. Donc ça arrive là, ça y est. Et ça prend forme. C'est pas sûrement pas pour tout de suite, mais en tout cas ça. Ça arrivera, donc White Label, petite série, et voilà. D'accord. Donc ça, c'est le morceau qui sera là-dessus. Ce sera un EP. Probablement. Non, c'est pas vrai. C'est un... Ouais. Tout peut changer, mais probablement, ouais. Ok, très bien. Eh bien, on le met. Allons-y. Alors. À l'écoute. Merci Ben. Est-ce que tu peux dire un peu ce que tu as utilisé pour faire ce morceau? Ouais, question, ce morceau, il est édité entièrement avec Renoise, qui est un tracker moderne, mm-hmm. qui permet un petit peu de faire ces trucs-là avec des breaks, de découper, de glitcher, de faire tous ces trucs-là qui mm-hmm. peuvent être assez chiants et longs à éditer, mais qui sont parfois assez sympas à faire. Ouais. Et les synthés, c'est uniquement la monomachine qui dispose d'un polymode ouais. et d'une engine FM, du coup, et avec une petite 303 Behringer par-dessus. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Tu mélanges du hardware et un tracker. Bah ouais, je sample avec en fait. Si tu veux, j'écris et puis ensuite j'échantillonne dedans et puis j'écris aussi. Donc je pilote mes synthés à partir de ça. Et puis tu samples tes parties, tu les rebalances dans Renoise sous forme de sample ou alors t'envoies du MIDI avec Renoise j'envoie du MIDI de Renoise et ensuite j'enregistre des pistes entières. C'est pas vraiment fait pour ça, Renoise, tu vois, mettre des grands bouts d'audio. Mais ouais. si tu les enregistres un petit peu, tu peux les enregistrer un peu d'une façon linéaire et ensuite juste le trigger au début de ton morceau et puis ensuite t'as ta piste audio entière si tu veux, même si Renoise a quand même. Tracker, c'est quand même plus fait pour utiliser des petits samples et puis jouer avec des petits samples et rejouer des notes avec tout ça. Tu peux aussi ouais. Enregistrer des gros bouts d'audio, mais tu peux plus faire grand chose avec après. Quoi. Ouais, les bouts d'audio enregistrés des machines, donc c'est ça. Donc tu enregistres les samples sur Renoise que tu renvoies. Non, ouais, si, oui, c'est ça. Donc, ouais, ouais, d'accord, ok, c'est bon. Je crois que j'ai compris. T'as compris, Thibaut ? À peu près, ouais. Ok. Bon, on fera une émission spéciale. Spéciale workflow. Ouais, workflow. Ouais. Pas mal. Okay. Ouais, ça marche. Merci, Ben. Là, on voulait mettre un dernier morceau de Tibbs, de Ned Flanger, qui est un jam de cet après-midi. De aujourd'hui, ouais, toujours. D'aujourd'hui, qui durera 4 minutes. Et puis, on peut finir par je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà, on fait ça et puis on se retrouve après pour un peu finir l'émission. Est-ce que tu as un truc particulier à dire, Ben ? Rien du tout. Merci. Ouais, c'est pas mal. On le dit pas assez souvent, ça. C'est vrai, merci Ben. Merci à tous. Merci. Et pour finir, Ben, j'ai deux albums de John Mouse. Est-ce que tu voudrais mettre un morceau de John Mouse pour finir, par exemple? Ouais, écoutez, Too Much Money. Too Much Money, très bien, ça marche, c'est dans la boîte. Je te remercie, on te remercie Ben. Merci à vous pour l'invitation, pardonnez mon retard. Un mot de la fin, Ben, à ajouter peut-être? Non, je sais pas, t'as peut-être... Non, mais il a dit merci, c'est un beau mot de fin. C'est un excellent mot. Je vais rester là-dessus. Très bien. Très bien, Jean-Pierre. Allez, c'est parti, Too Much Money, What Are You Gonna Do With It? Merci à tout le monde. Pardon. Et à bientôt aux entretiens de Grenoble. À bientôt, merci Nico. Et après, c'est des concerts commentés sur Pinode. Ça peut être intéressant. Bien sûr, on sera à l'écoute. Bis. C'est la fin. J'arrête l'enregistrement. Au revoir. Adieu. Au revoir. Au revoir. Bon, raccroche. Non, toi d'abord. Ah.